Bien sûr, au lendemain d'un événement politique qui ce matin est au centre de toutes les discussions, de tous les débats, de tous les commentaires, je pourrais botter en touche et décider de parler d'autre chose. C'est mal me connaître, monsieur Cohen. Je pourrais évoquer notamment le sort de la librairie La Soupe de l'Espace, située à Hyères et qui connaît des difficultés financières suite à l'arrêt du soutien de son banquier. Je pourrais appeler les auditeurs de France Inter à soutenir les deux libraires, Jean et Mélanie, à les inciter à se diriger vers la page Facebook de La Soupe de l'Espace afin de permettre à cette belle librairie d'hier de poursuivre sa belle œuvre demain. Je pourrais parler de n'importe quoi, ce ne serait pas la première fois, mais non, ce matin, je décide de prendre le taureau de la politique par les cornes de l'analyse et ne pas me soustraire à l'attente bien légitime des auditeurs qui me somment de ne pas passer à côté de l'événement politique considérable qui a eu lieu ce 14 avril 2016. Je veux bien évidemment parler, après Charline, de la couverture de Paris Match sur le couple Brigitte et Emmanuel Macron. Ensemble, sur la route du pouvoir, elle se confie en exclusivité à Paris Match les photos de leur album intime. Brigitte Macron, née Trogneux, s'exprime et elle dit tout, la Trogneux. Elle dit tout sur elle-même. Ainsi que le note Paris Match, l'existence de Brigitte Trogneux n'a pas été un long fleuve tranquille. Et comme il a raison, Paris Match, imaginez plutôt, naissance dans la bourgeoisie nantie des chocolatiers d'Amiens, élève au Sacré-Cœur, surprise partie, mini-jupe moulante, whisky coca, rocks endiablés, baiser dans le cou et derrière les tentures, mariage avec un futur banquier, joie paisible, naissance de 3 enfants, ingénieur, cardiologue, avocate, capesse de lettres, professeur de lettres et latin. Comment mieux résumer en effet cette vie de larmes et de sans autrement que par la formule de Paris Match si bien choisie, l'existence de Brigitte Trogneux n'a pas été un long fleuve tranquille. Mais aujourd'hui, Brigitte Macron, née Trogneux, s'exprime. Elle dit tout, la Trogneux. Elle dit tout sur Emmanuel, amant fougueux de 20 ans son cadet. Emmanuel, son regard d'aigle, ses talents de comédien, son volontarisme, sa détermination, sa fougue, son allant. Quoi que vous fassiez, je vous épouserai, déclare l'adolescent acnéique à son professeur de lettres de 20 ans, son aîné. Et c'est le début d'une passion et c'est le début d'un roman. Le roman de l'énergie et de la bravoure, de l'ambition et du courage, de l'audace et de l'ardeur. C'est qu'il n'a pas froid aux yeux, le Macron. C'est un addict au travail, c'est un chevalier, un personnage d'une autre planète qui mêle une intelligence rare à une humanité exceptionnelle. Non, détrompez-vous, ce n'est pas un portrait que l'on fait de moi, c'est encore les mots de Trogneux sur son Macron de mari. Car Macron, son allant, son charisme, sa fougue, si romanesque, si irréelle, c'est Bellamy, c'est Georges Duroy de Cantel bousculant Clotilde de Marelle, c'est Eugène de Rastignac défiant la femme et Paris et le monde et la vie. C'est un rapide, c'est un torrent. Emmanuel qui tombe en amour à 18 ans, sera banquier d'affaires à 31 ans, ministre à 37 ans, grand-père par alliance à 38 ans. Demain, pourquoi pas président de la République à 41 ans, académicien français à 43 ans, octogénaire à 45 ans, centenaire à 50 ans. Un jour, peut-être, on nous dira qu'il faut voter Macron pour faire obstacle à Marion Maréchal Le Pen. Mais Emmanuel vient de dire que cet article était une bêtise, une maladresse, je pensais l'événement politique considérable. Je me demande si finalement je n'aurais pas dû faire tout mon papier sur les libraires de La Soupe de l'Espace qui connaît des difficultés financières à cause de leurs banquiers. Comme quoi on a toujours raison de se méfier des banquiers. François Morel, en direct et en duplex de France Bleu Toulouse. Merci François, et à vendredi prochain.